Non, j'ai rien du tout. J'ai rien sur cet ordinateur, j'ai pas installé. Sharon, qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Qu'est-ce que tu Oui. fais? Je fais rien. Pourquoi? Mais qui c'est qui parle? Tu me connais? Venu. Bien. J'allais dire une connerie, mais je la dis pas. Je suis. Tu me ne Oui, connais? tu es. Oui, je suis. Tu es. Ils sont. Nous sommes. Les nus. Non, je te reconnais pas, mais bon, je te connais. C'est moi, Magnus. Magnus? C'est Magnus? Ouais, Non. ouais, ouais. It's my telephone. Magnus, Linus? It's just... Allô? Allô? Answer, it's me. I'm on work and I don't have, I don't know, I don't want. Attends, je vais faire un coup. I have to go. I'm not good equipped here, so I can't do nothing. I'm speaking against my echo. Echo, echo, echo, echo, echo. Je ne sais pas. T'as fini ton téléphone. My God, I have to go.